Ferma, ferma. Thank you. Oops. Problème. 1, 2, attends. 1, 2, 3. Merde. 2, Cette percussion qui m'énerve un peu là. Percussion là, il y a toujours la percussion. Ah non, elle y est partout cette percussion. Je fais du reggae, mais ça a pas l'air de bien me plaire. Je suis en train de travailler ce que tu m'as appris là. Le mec il s'amuse sur Charlie là. Ah mais merde, c'est pas le bon départ. Non. Je suis trompé, c'est l'autre. Hein. Prochain train. Ah bah putain, attends, il faut que je le mette. Ok, j'ai compris. Oh merde, j'ai enlevé le métronome, mais non, putain, je merde à fond, putain. c'est pas au point. Thank you. Thank you.